Module 2, étude 3, méthodologie et critères utilisés dans la codification spirit. Comme on le sait, Allan Kardec n'était pas un scientifique en tant que tel, spécialiste de tel ou tel domaine de la science, mais il avait une culture scientifique, l'esprit scientifique. Sur ce point, l'écrivain et journaliste Deolindo Amorim, dans l'un de ses articles dédiés aux codificateurs, il s'exprime ainsi. Allan Kardec se révèle en tout et pour tout un homme à l'esprit scientifique par sa nature. Il réunit parfaitement toutes les conditions indispensables à l'esprit scientifique. En premier lieu, la sérénité avec laquelle il a fait face aux faits médiumniques, gardant un équilibre imperturbable, sans nier ni affirmer a priori. En second lieu, la maîtrise de soi-même, afin de ne pas se laisser enthousiasmer par les premiers résultats. En troisième lieu, l'attention dans la sélection des communications. En quatrième lieu, la prudence dans les déclarations, dans le souci constant d'éviter une divulgation précipitée de faits non encore examinés et prouvés complètement. En cinquième lieu, l'humilité, qui est l'une des conditions de l'esprit scientifique recherchant la vérité avant et par-dessus tout. C'est cet esprit scientifique qui l'a accompagné tout au long dans l'accomplissement de sa mission de codificateur de la doctrine spirit. Selon la doctrine spirit, l'esprit et la matière sont deux éléments de la réalité universelle. Ainsi, spiritisme et science ne sont pas des forces antagoniques, mais au contraire, ils se complètent l'un par l'autre. La science sans le spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière. Le spiritisme, sans la science, manquerait d'appui et de contrôle. L'étude des lois de la matière devait précéder celle de la spiritualité, parce que c'est la matière qui frappe tout d'abord les sens. Le spiritisme, venu avant les découvertes scientifiques, eût été une œuvre avortée, comme tout ce qui vient avant son temps. Le fait que la science apporte au spiritisme un appui et un contrôle ne garantit cependant pas sa compétence pour se prononcer sur les questions de la doctrine spirit. Voici les arguments présentés par le codificateur à ce sujet. Les sciences vulgaires reposent sur les propriétés de la matière qu'on peut expérimenter et manipuler à son gré. Les phénomènes spirit reposent sur l'action intelligente qui ont leur volonté et nous prouvent à chaque instant qu'elles ne sont pas d'un autre caprice. Les observations ne peuvent donc se faire de la même manière. Elles requièrent des conditions spéciales et un autre point de départ. Vouloir les soumettre à nos procédés ordinaires d'investigation, c'est établir des analogies qui n'existent pas. La science proprement dite, comme science, est donc incompétente pour se prononcer dans la question du spiritisme. Elle n'a pas à s'en occuper, et son jugement, quel qu'il soit, favorable ou non, ne saurait être d'aucun point. Il faut remarquer qu'en se référant aux sciences ordinaires, Kardec faisait allusion aux sciences positives, classées par Auguste Comte en mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie et sociologie. La méthode adoptée par Allan Kardec dans l'étude et la preuve des faits médiumniques, attribuant à prouver l'existence et la communicabilité de l'esprit, est la méthode expérimentale appliquée aux sciences positives et fondée sur l'observation, la comparaison, l'analyse systématique et la conclusion. Voici comment il s'exprime. Comme moyen d'élaboration, le spiritisme procède exactement de la même manière que les sciences positives, c'est-à-dire qu'il applique la méthode expérimentale. Des faits d'un ordre nouveau se présentent qui ne peuvent s'expliquer par les lois connues. Il les observe, les compare, les analyse, et des effets remontant aux causes, il arrive à la loi qui les régit. Puis il en déduit les conséquences et en recherche les applications utiles. Il n'établit aucune théorie préconçue. Ainsi, il n'a posé comme hypothèse ni l'existence et l'intervention des esprits, ni le périsprit, ni la réincarnation, ni aucun des principes de la doctrine. Il a conclu à l'existence des esprits lorsque cette existence est ressortie avec évidence de l'observation des faits, et ainsi des autres principes. Ce ne sont point les faits qui sont venus après coup confirmer la théorie, mais la théorie qui est venu subséquemment expliquer et résumer les faits. Il est donc rigoureusement exact de dire que le spiritisme est une science d'observation et non le produit de l'imagination. Les sciences n'ont fait de progrès sérieux que depuis que leur étude est basée sur la méthode expérimentale. Mais jusqu'à ce jour, on a cru que cette méthode n'était applicable qu'à la matière, tandis qu'elle l'est également aux choses métaphysiques. J'appliquais à cette nouvelle science, comme je l'avais fait jusqu'alors, la méthode de l'expérimentation. Je ne fis jamais de théorie préconçue, j'observais attentivement, je comparais, je déduisais les conséquences. Des effets, je recherchais à remonter aux causes par la déduction et l'enchaînement logique des faits, n'admettant une explication comme valable que lorsqu'elle pouvait résoudre toutes les difficultés de la question. Dans l'induction scientifique, on arrive à la généralisation par l'analyse des parties. Ce type de logique exige des observations répétées d'une expérience ou d'un événement. De l'observation de nombreux exemples différents, les scientifiques peuvent déduire une conclusion générale. C'est ainsi qu'a procédé Allan Kardec dans la doctrine spirit, la plaçant ainsi confortablement parmi les autres sciences. Au sujet du parcours par induction de la doctrine spirit, Herculano Pires, dans le livre O Spirita et Tempo, explique que c'est à partir de l'observation des faits positifs que le spiritisme arrive aux réalités extraphysiques. Dans la Genèse, le codificateur nous dit « Ce ne sont point les faits qui sont venus après coup confirmer la théorie, mais la théorie qui est venue subséquemment expliquer et résumer les faits. La structure logique du spiritisme est donc bien dans la nature inductive. » Cependant, la méthode déductive est également consacrée dans la doctrine spirit, car la méthode scientifique implique la combinaison de l'induction et de la déduction. Kardec nous dit « Je ne fis jamais de théorie préconçue, j'observais attentivement, je comparais, je déduisais les conséquences. Des effets, je cherchais à remonter aux causes par la déduction et l'enchaînement logique des faits, n'admettant une explication comme valable que lorsqu'elle pouvait résoudre toutes les difficultés de la question. Les idées de l'homme sont en raison de ce qu'il sait. Comme toutes les découvertes importantes, celle de la constitution des mondes a dû leur donner un autre cours. Sous l'empire de cette nouvelle connaissance, les croyances ont dû se modifier. Le ciel a été déplacé, la région des étoiles, étant sans limite, ne peut plus lui en servir. Où est-il ? Devant cette question, toutes les religions restent muettes. Le spiritisme vient la résoudre en démontrant la véritable destinée de l'homme. La nature de ce dernier et les attributs de Dieu étant pris pour point de départ, on arrive à la conclusion. C'est-à-dire qu'en partant du connu, on arrive à l'inconnu par une déduction logique, sans parler des observations directes que permet de faire le spiritisme. Deux critères importants, liés aussi à la méthode scientifique, ont été adoptés par Allan Kardec dans la tâche difficile de réunir les informations pour l'élaboration de la doctrine spirit. La généralité ou universalité et la concordance de l'enseignement des esprits. Ces critères, supportés par l'usage de la raison, du bon sens et de la logique rigoureuse, donnent à la doctrine spirit la force et l'autorité, comme on peut le constater dans l'introduction de l'évangile selon le spiritisme. Dieu a voulu que la nouvelle révélation arriva aux hommes par une voie plus rapide et plus authentique. C'est pourquoi il a chargé les esprits d'aller la porter d'un point du globe à un autre, en se manifestant partout, sans donner à personne le privilège exclusif d'entendre leurs paroles. Un homme peut être abusé, peut s'abuser lui-même, il n'en saurait être ainsi quand des millions voient et entendent la même chose. C'est une garantie pour chacun et pour tous. D'ailleurs, on peut faire disparaître un homme, on ne peut pas faire disparaître les masses. On peut brûler les livres, on ne peut pas brûler les esprits. Or, brûlant tous les livres, la source de la doctrine n'en serait pas moins intarissable, par cela même qu'elle n'est pas sur la terre, qu'elle surgit de partout et que chacun peut y puiser. Ce n'est pas à l'opinion d'un homme qu'on se ralliera, c'est à la voix unanime des esprits. Ce n'est pas l'opinion d'un homme, pas plus nous qu'un autre, qui fondera l'orthodoxie spirit. Ce n'est pas non plus un esprit venant s'imposer à qui que ce soit.

L'expérimentation scientifique est donc une méthode employée pour tester des idées et découvrir les faits sur une chose quelconque qu'un scientifique peut contrôler et observer. Les scientifiques l'utilisent pour étudier les êtres vivants ou bruts dans plusieurs domaines des sciences physiques et de la vie. Toute expérience scientifique valable doit pouvoir être répétée, non seulement pour le chercheur original, mais par d'autres scientifiques. S'ils concordent dans leurs conclusions, on attribue au chercheur original le crédit d'avoir fait une découverte importante. Maintenant, voilà la définition de la méthode déductive. C'est le raisonnement par lequel nous tirons des conclusions par inférence logique à partir de prémices données. En admettant leurs propositions, ou les propositions, par exemple, tous les Grecs ont une barbe, et Zénon est grec, on peut en déduire valablement que Zénon a une barbe. On dit que les conclusions du raisonnement déductif sont valables plutôt que vraies, parce qu'il faut distinguer clairement ce qui découle logiquement d'autres affirmations de ce qui est effectivement vrai. Les prémices indiquées peuvent être des articles de foi ou des suppositions. Avant de pouvoir considérer les conclusions tirées de ces prémices comme valables, il faut démontrer qu'elles sont cohérentes entre elles et avec la prémisse originale. Les mathématiques et la logique sont des exemples de disciplines qui utilisent beaucoup la méthode déductive. La méthode scientifique exige une combinaison de la déduction et de l'induction. Maintenant, définition de la méthode inductive. C'est le raisonnement par lequel on passe d'une expérience particulière à des généralisations. On peut commencer par « toutes les pommes que j'ai mangées sont sucrées ». À partir de cette constatation, on conclut que les pommes sont sucrées. Mais la pomme suivante peut ne pas être sucrée. La méthode inductive amène à des probabilités, pas à des certitudes. C'est la base du sens commun selon lequel une personne agit. Elle est également appliquée dans la découverte scientifique. Les scientifiques utilisent l'induction et la déduction. Dans la déduction, le scientifique commence par des généralisations. Il en déduit des affirmations particulières. Il peut tester ses suppositions par l'expérimentation, les confirmer, les réviser ou rejeter la généralisation originale. En n'utilisant que la déduction, l'homme ignore l'expérience. En n'employant que l'induction, il ignore la relation entre les faits. Par la combinaison de ces méthodes, la science établit l'union entre la théorie et la pratique.